vie de saint Augustin, par Possidius, évêque de quelle âme, son disciple, édition Louis Vivès, Paris 1872. Marc M. Dan, archive.org, licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Tome 1er. Chapitre 1er. Naissance d'Augustin, sa conversion et son baptême, les instructions de saint Ambroise le font renoncer aux erreurs des manichéens, il reçoit le baptême de ses mains. Augustin naquit à Tagaste, ville de la province d'Afrique, d'une famille curiale et de parents recommandables et chrétiens qui n'épargnèrent ni soins, ni dépenses pour le faire élever et instruire. Il étudia avec le plus grand soin les lettres humaines ainsi que tous les arts que l'on appelle libéraux. Il enseigna d'abord la grammaire dans sa ville natale et professa ensuite la rhétorique à Carthage, capitale de l'Afrique. Plus tard, il passa la mer et se rendit à Rome et à Milan où l'empereur Valentinien le Jeune tenait alors sa cour. Le saint pontife Ambroise, homme agréable à Dieu et illustre entre les plus éminents, occupait le siège épiscopal de cette ville. Se mêlant au peuple pour entendre les instructions fréquentes que faisait à l'église ce prédicateur de la parole de Dieu, Augustin restait comme attaché et suspendu à ses lèvres, séduit dans sa jeunesse lorsqu'il était à Carthage. Par l'erreur des manichéens, il écoutait plus avidement que les autres afin d'entendre ce qui serait dit pour ou contre cette hérésie. Le Dieu Sauveur, dans sa clémence, inspira au cœur de son ministre la pensée de résoudre certaines questions de la loi qui combattait cette erreur et Augustin, ainsi éclairé, vit par la miséricorde divine. Cette hérésie chassait peu à peu de son esprit. Aussitôt qu'il fut affermi dans la foi catholique, il sentit naître en lui une telle ardeur d'avancer plus avant dans cette religion qu'à l'approche des saints jours de Pâques, il fut purifié dans l'eau sainte du baptême. La miséricorde divine voulut encore que ce fût par le ministère d'un si grand et si illustre évêque, Ambroise, qu'il reçut les instructions salutaires de l'Église et les divins sacrements. Chapitre 2. Il abandonne tout et prend la résolution de servir Dieu à l'âge de 30 ans. Bientôt il fit le sacrifice entier de toutes les espérances que lui offrait le monde, ne cherchant plus ni épouse, ni enfant charnel, ni richesse, ni honneur du monde, il résolut de servir Dieu avec les siens, animé du plus ardent désir d'appartenir à ce petit troupeau auquel le Seigneur adresse ses paroles. Ne craignez point, petit troupeau, car il a plu au Seigneur de vous donner son royaume. Vendez ce que vous avez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point par le temps, amassez dans le ciel un trésor qui ne s'épuise jamais, etc. Luc 12, 32. Ce saint homme voulait aussi mettre en pratique ce que dit encore le Seigneur, si vous voulez être parfait, vendez ce que vous avez, et donnez-le aux pauvres et vous aurez un trésor dans le ciel. Puis venez et suivez-moi. Matthieu 19, 21. Il était jaloux d'élever sur le fondement de la foi un édifice non de bois, de foin ou de paille, mais d'or et d'argent et de pierres précieuses. Il était alors âgé de plus de 30 ans, n'ayant plus que sa mère, plus joyeuse de la résolution qu'avait prise son fils de servir Dieu, qu'elle ne l'eût été de le voir lui donner des enfants selon la chair. Son père était mort quelque temps auparavant. Il annonça donc à ses élèves, à qui il enseignait la rhétorique, qu'ils eussent à se pourvoir d'un autre maître, car, pour lui, il avait résolu de se consacrer au service de Dieu. Chapitre 3. Retrait d'Augustin, conversions opérées par lui. Après avoir reçu la grâce du baptême avec plusieurs de ses concitoyens et amis, résolu comme lui à servir Dieu, il voulut revenir en Afrique dans sa maison et dans les biens qui lui appartenaient. Lorsqu'il y fut arrivé, il s'y établit et y vécut pour Dieu pendant près de 3 ans avec ceux qui s'étaient attachés à lui, loin des soins du siècle, tout entier au jeûne, à la prière et aux bonnes œuvres, méditant la loi du Seigneur jour et nuit, et tout ce que Dieu révélait à son intelligence dans la méditation et la prière. Il en instruisait ceux qui étaient présents comme les absents par ses discours et ses écrits. Or dans le même temps il y avait, à Hippone, un de ces hommes, qu'on appelle agent d'affaires, bon chrétien et craignant Dieu. Sur le bruit de la réputation d'Augustin et de sa science, il souhaitait ardemment de le voir, protestant qu'il se sentirait capable de renoncer à toutes les joies et à tous les plaisirs de ce monde, s'il avait le bonheur d'entendre, de sa propre bouche, la parole de Dieu. Instruit de ce désir par un rapport fidèle, et jaloux d'arracher une âme au plaisir de cette vie et à la mort éternelle, Augustin se rendit aussitôt à Hippone, alla trouver cet homme, l'entretint fréquemment et l'exhorta avec toute la force que Dieu lui donnait, d'accomplir le vœu qu'il avait fait à Dieu. Celui-ci promettait de jour en jour de le mettre à exécution. Cependant, il ne le fit pas pendant le séjour d'Augustin. Toutefois, il est impossible que ce que la divine providence faisait, en tout lieu, par le moyen de ce vase honorable, est utile au Seigneur, est préparé pour toutes sortes de bonnes œuvres et était inutile et sans effet. Chapitre 4. Il est élevé au sacerdoce. Vers le même temps, l'Église catholique d'Hippone avait à sa tête le saint évêque Valère. Le besoin de son Église demandait impérieusement qu'il pourvût à l'ordination d'un prêtre pour la cité. Comme il en parlait au peuple de Dieu, saint Augustin était là, mêlé au peuple et ne sachant pas ce qui allait arriver, car il avait coutume, étant laïque, comme il nous le disait souvent, de ne s'éloigner que des églises qui n'avaient pas d'évêque. Alors les catholiques, connaissant son dessein et sa science, se saisirent de lui, le retinrent de force et le menèrent à l'évêque pour l'ordonner. Ils demandaient tous, d'un commun accord, à grands cris, et désiraient avec une extrême ardeur son ordination. Mais lui, versait d'abondantes larmes. Quelques-uns, comme il nous l'a raconté lui-même, attribuant ses larmes à l'orgueil, lui dirent, pour le consoler, que le titre de simple prêtre, quoiqu'il fût digne d'un rang plus élevé, l'approchait néanmoins de l'épiscopat. Mais de plus hautes considérations faisaient gémir cet homme de Dieu, ainsi qu'il nous l'a dit lui-même. Car c'était en voyant le nombre et la grandeur des périls que la direction et le gouvernement d'une église lui présageaient et menaçaient sa vie, qu'il versait des larmes. Toutefois les fidèles virent leurs vœux accomplis. Chapitre 5. Il établit un monastère. L'évêque Valère lui donne le pouvoir de prêcher la parole de Dieu devant lui, quoiqu'il ne fût encore que simple prêtre. Parvenu au sacerdoce, Il établit bientôt un monastère dans l'enceinte de l'église et y vécut avec les serviteurs de Dieu selon la forme et la règle établie par les saints apôtres. Actes 4, 32. On ne devait y posséder rien en propre, mais tout devait être en commun et distribué à chacun selon ses besoins. Il avait lui-même donné le premier exemple de ce genre de vie lorsqu'il était revenu de son voyage d'outre-mer. Le saint évêque Valère, qui l'avait ordonné, homme pieux et craignant Dieu, tressaillit de joie et rendait grâce à Dieu d'avoir exaucé les prières qu'il lui avait, disait-il, si souvent adressées afin que dans sa miséricorde divine il lui accordât un homme capable d'édifier l'Église du Seigneur par la parole de Dieu et la doctrine du salut, office que lui, grec de naissance, et peu versé dans la langue et la littérature latine, se voyait peu propre à remplir. Il donna au nouveau prêtre le pouvoir de prêcher l'évangile dans l'église en sa présence, quoique ce fût contre l'usage et la coutume des églises d'Afrique. Aussi plusieurs évêques l'en blâmèrent-ils. Mais, comme cet homme vénérable et prudent était certain que cette coutume était observée dans les églises d'Orient, et n'avait en vue que le bien de son église, il dédaignait les paroles de ses détracteurs pourvu que son prêtre accomplisse ce que lui, évêque, se voyait incapable de faire. C'est ainsi que cette lampe fut allumée et placée sur le chandelier pour éclairer tous ceux qui étaient dans la maison. Matthieu 5, 15. La renommée de saint Augustin s'étendait avec rapidité, suivant un si bon exemple, plusieurs prêtres, avec l'approbation et le consentement de leurs évêques, commencèrent à annoncer au peuple, en leur présence, la parole de Dieu. Chapitre 6. Controverse entre Augustin et le manichéen Fortunate. Le fléau de l'hérésie manichéenne régnait alors dans Hippone, un grand nombre d'habitants, citoyens ou étrangers, en étaient infestés. Ils avaient été séduits et trompés par un prêtre manichéen, nommé Fortunate, qui vivait et demeurait dans la ville. Les citoyens et les étrangers, tant chrétiens catholiques que donatistes l'ont trouvé Augustin et le prièrent de voir ce prêtre manichéen qu'il regardait comme savant, et de conférer avec lui sur la loi. Quant à lui, toujours prêt, comme il est écrit, à répondre à tous ceux qui lui demanderaient raison de la foi et de l'espérance qui est en Dieu. 1 Pierre 3, 15. Est capable d'exhorter selon la saine doctrine et de convaincre ceux qui s'y opposent. Pierre 1, 9, ne leur refusa pas de le faire, mais il leur demanda si Fortunate y consentait également. Aussitôt ils se rendirent auprès de Fortunate et lui demandèrent, ou plutôt le supplièrent avec instance, d'acquiescer à ce désir. Comme il avait connu saint Augustin à Carthage, lorsqu'il était engagé dans les mêmes erreurs, il appréhendait sans doute d'engager la lutte avec lui. Mais les instances pressantes des siens le vainquiraient, craignant la honte d'un refus, il promit de se trouver à la conférence et d'y accepter la discussion et le combat. Ils se réunirent donc au jour et au lieu convenu. Une foule de savants et de gens poussés par la curiosité s'y rendirent également. Les notaires ouvrirent leurs tablettes, et la conférence, commencée le premier jour, fut achevée le second. Dans la controverse, le maître manichéen, les actes de la conférence en font foi, ne put rien dire contre les assertions catholiques. et fut également impuissant à prouver que la secte des manichéens avait la vérité pour base. À bout de réponse, il finit par dire qu'il conférerait avec les anciens de sa secte sur ce qu'il n'avait pu résoudre, et que si leur réponse ne le satisfaisait point, il songerait aux intérêts de son âme. C'est ainsi qu'au jugement de tous ceux qui admiraient le plus sa science et ses lumières, il fut convaincu d'impuissance à soutenir sa secte. Il ne put souffrir une telle confusion, et peu de temps après il quitta la ville d'Hippone pour n'y plus revenir. Et par le moyen de l'homme de Dieu, tous ceux qui assistèrent à la conférence ou qui, absents, en connurent les actes, abjurèrent leur terreur, revinrent à la vraie religion catholique et y restèrent attachés. Chapitre 7. Les livres et les traités d'Augustin contre les ennemis de la foi sont accueillis avec un grand empressement par les hérétiques eux-mêmes. Augustin enseignait et prêchait la parole du salut soit en particulier ou en public, soit dans sa propre maison ou dans l'église, avec toute confiance contre les hérésies répandues en Afrique et surtout contre les donatistes, les manichéens et les païens. Les ouvrages qu'il écrivait et les sermons qu'il improvisait jetaient les chrétiens dans des transports d'admiration indicibles. Non seulement il ne cachait pas la joie qu'il ressentait, mais encore il la proclamait partout. Voilà comment, avec l'aide du Seigneur, l'Église catholique d'Afrique commença à relever la tête. Séduit depuis longtemps par les hérétiques qui semblaient s'y être enracinés, et surtout par la secte des donatistes qui avait rebaptisé la plus grande partie de l'Afrique, elle gémissait dans l'oppression. Ses livres et ses traités qui, par un effet admirable de la grâce de Dieu, se suivaient et se succédaient avec rapidité, étaient appuyés sur de nombreux raisonnements et sur l'autorité des Saintes Écritures, et les hérétiques eux-mêmes accouraient pour en entendre la lecture avec le même empressement que les catholiques, et tous ceux qui le voulaient et le pouvaient, recourraient à des notaires pour en recueillir les discours même du saint prêtre. Aussi vit, on bientôt se répandre et se montrer dans toute l'Afrique l'éclatante doctrine et l'exquise odeur du Christ. Cette nouvelle remplit de joie les églises d'outre-mer, car de même que lorsqu'un des membres souffre, tous les autres souffrent avec lui. Ainsi lorsqu'un des membres reçoit de l'honneur, tous les autres s'en réjouissent avec lui. 1 Corinthiens 13, 26. Chapitre 8. Il est élevé à l'épiscopat du vivant de Valère et ordonné par le primat mégal. Mais le bienheureux vieillard Valère se réjouissait de cela plus que les autres, et rendait grâce à Dieu de lui avoir accordé une faveur aussi signalée. Mais il craignit bientôt, c'est bien le fait de l'esprit de l'homme, qu'une autre église, privée de pasteur, ne lui ravit Augustin pour l'élever à l'épiscopat. Ce qui serait arrivé, si Valère, instruit d'un projet de ce genre, n'eût pris soin d'envoyer le saint prêtre dans un lieu caché, pour le dérober à ceux qui le cherchaient. Le vénérable vieillard sentit alors ses craintes redoubler, et se voyant courbé sous le poids des années qui avaient affaibli son corps, il écrivit secrètement au primat des évêques, l'évêque de Carthage. Il lui alléguait la faiblesse de son corps à laquelle s'ajoutait le poids de l'âge et le conjurait d'ordonner Augustin pour l'évêché d'Hippone, et de le lui donner non seulement pour successeur, mais encore pour compagnon de son épiscopat. Un rescrit lui accorda ce qu'il avait désiré solliciter avec tant d'ardeur. Quelque temps après, sur sa demande, Mégal, évêque de Calame et alors primat de Numidie, étant venu visiter l'église d'Hippone, Valère fit connaître aux évêques qui se trouvèrent présents, au clergé d'Hippone, et à tout le peuple, sa résolution à laquelle personne ne s'attendait. Elle fut reçue avec des transports de joie, et les cris qui s'élevèrent alors témoignèrent l'impatience qu'on avait d'en voir l'accomplissement. Mais le prêtre refusait de prendre l'épiscopat, contre la coutume de l'Église, du vivant de l'évêque. On lui assure que cela se fait souvent, et on lui en apporte en preuve des exemples des églises d'outre-mer et d'Afrique qu'il ignorait. Vaincu par de si pressantes sollicitations, il céda enfin malgré lui et reçut la charge de l'épiscopat et l'ordination qui le plaçait dans un rang plus élevé. Plus tard il dit et écrivit, lettre 213, 4, qu'on n'aurait pas dû agir ainsi envers lui et l'ordonner du vivant de l'évêque, contre la défense faite par un concile général, défense qu'il ne connut que plus tard, après son ordination. Il ne voulut jamais qu'on fît pour d'autres ce qu'il avait souffert avec tant de peine qu'on fît pour lui, et il s'efforça, dans les conciles, de faire établir en règle que les ordinants feraient connaître tous les décrets des pères, tant aux ordonnés qu'aux ordinants. Chapitre 9. Il combat les donatistes. Il arriva de là que, devenu évêque, il prêchait la parole du salut éternel avec plus de zèle, de ferveur et d'autorité, non plus dans un seul pays mais partout où on l'en priait, à la grande joie et au rapide accroissement de l'Église du Seigneur, toujours prêt à rendre raison à ceux qui le lui demanderaient de la foi et de l'espérance qui est en Dieu. Ses discours et ses écrits étaient portés par les donatistes même d'Hippone ou des cités voisines aux évêques de leur communion. Et si, après les avoir lus ou entendus, ils voulaient contredire en quelque chose, ils étaient alors réfutés par les leurs ou leurs réponses étaient envoyées à saint Augustin, qui en prenait connaissance et travaillait avec patience et douceur, et, comme il est écrit avec crainte et tremblement au salut de tous. Philippiens 2, 12. Ils montraient l'impuissance de leur volonté et de leurs efforts à renverser sa doctrine, et la vérité manifeste de la doctrine que tient et enseigne la foi de l'Église. Telle était son occupation continuelle du jour et de la nuit, car il écrivit des lettres particulières à plusieurs évêques laïcs considérables de cette secte, pour les engager et les exhorter par la force de ses raisonnements à abjurer leur erreur ou du moins à entrer en discussion avec lui. Mais n'ayant pas confiance dans la bonté de leur propre cause, ils ne voulurent même jamais lui répondre. Dans leur colère, ils accablaient Augustin d'injures et le proclamaient en particulier et en public, séducteur et corrupteur des âmes. Ils disaient et essayaient de prouver que c'était un loup qu'on devait tuer pour défendre leur troupeau, puis, mettant de côté toute crainte de Dieu et des hommes, ils ne rougirent pas de dire et d'écrire que certainement Dieu leur pardonnerait tous leurs péchés, s'ils réussissaient dans cette entreprise. Pour Augustin, il travaillait à faire connaître à tous le peu de confiance que ces hérétiques avaient eux-mêmes dans la bonté de leur propre cause. Il les provoqua des conférences publiques, mais ils n'osèrent s'y rendre. Chapitre 10. Fureur des circoncélions. Les mêmes donatistes avaient dans presque toutes leurs églises une espèce d'homme pervers et violent, inconnu jusqu'alors, qui se répandait partout sous prétexte de professer la continence, on les appelait circoncellions et ils étaient établis en très grand nombre dans presque toutes les contrées de l'Afrique, séduits par des docteurs pervers, audacieux, emportés et téméraires jusqu'à l'excès, ils n'épargnèrent ni les étrangers, ni même leurs partisans. Sans aucun respect pour les lois divines et humaines, ils signifiaient leur volonté aux hommes qui ne se tenaient pas sur leur garde. La désobéissance à leurs ordres était suivie des plus terribles châtiments et de la mort. Munis d'armes de toutes sortes, ils se répandaient en furieux dans les campagnes et dans les villes et ne reculaient pas même devant l'effusion du sang. Si on s'empressait de leur prêcher la parole de Dieu et de faire entendre des discours pacifiques à ses ennemis de la paix. Quand la vérité se faisait jour aux dépens de leur doctrine, ceux qui en étaient frappés s'arrachaient ou se dérobaient, comme ils le pouvaient, à cette secte, et se rattachaient avec ceux dès lors qu'ils pouvaient entraîner, à la paix et à l'unité de l'Église. Aussi, en voyant diminuer le nombre de leurs adeptes, et jaloux de l'accroissement de l'Église, ces sectaires, poussés par la fureur et remplis d'une colère extrême, se réunissaient et faisaient souffrir à l'unité de l'Église d'horribles persécutions. Les prêtres surtout et les ministres catholiques étaient en butte jour et nuit à leurs agressions et à leur brigandage. Souvent ils affaiblirent les serviteurs de Dieu par des massacres. Ils jetèrent dans les yeux de quelques-uns d'entre eux de la chaux détrempée avec du vinaigre et en égorgèrent d'autres. Aussi, ces donatistes rebaptisants étaient, ils en horreur même à ceux de leur secte.